Ji Su-yeon, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, s'est entretenu le 14 avec Jonathan Powell, exécuteur suprême de l'Organisation internationale de médiation, et sa suite en séjour à Pyongyang.